De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui, les savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Alors, je rappelle que Frédéric est géologue de formation, il est professeur au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke, et il est aussi l'auteur du livre « Ici la Terre » aux éditions Multimonde, un livre qui nous fait déjà découvrir de multiples de ces savants méconnus. Et comme Frédéric a toujours de nombreux savants méconnus à nous faire découvrir, eh bien, il poursuit ses chroniques. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, Frédéric nous fait découvrir alors deux savants, en fait, Louis et Albert Alvarez, Walter Alvarez, donc le père est physicien et le fils géologue, qui ont travaillé ensemble pour résoudre un des grands mystères de la géologie. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas? En effet, Valérie, oui, on parle d'une enquête que j'appelle géopolicière parsemée de rebondissements qui a débuté à la fin des années 1970 et qui a culminé une douzaine d'années plus tard, au début des années 90. Donc, ça fait à peine une trentaine d'années, c'est tout récent. Donc là, tu nous mets en haleine là, les questions d'un mystère en géologie, d'enquête géopolicière. Mais pour commencer, je vais te laisser nous présenter ce duo père et fils. Exactement, on a un deux pour un. Donc d'abord, le père, il s'agit de Louis Alvarez, physicien américain né en 1911 et mort en 1988. Et il se spécialise en physique nucléaire. Il a travaillé notamment dans plusieurs institutions de recherche renommées aux États-Unis, comme à l'Université de Californie à Berkeley, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, l'Université de Chicago et le Laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Il a d'ailleurs travaillé au développement de la bombe atomique là, dans le cadre du projet Manhattan. On voit d'ailleurs brièvement son personnage dans le récent film Oppenheimer, paru l'été dernier. Il a aussi mené des travaux sur les ondes radar, les rayons cosmiques. Et Louis Alvarez a reçu le prix Nobel de physique en 1968, j'ouvre les guillemets, pour ses contributions essentielles à la physique des particules élémentaires, en particulier la découverte de plusieurs états de résonance, rendu possible par la mise au point d'une technique alliant une chambre à bulles utilisant l'hydrogène et l'analyse de données. Fermez les guillemets. Donc, on parle d'une grosse pointure de la physique. Effectivement, donc un prix Nobel en physique. Donc ça, c'était pour le père. Et maintenant, le fils. Donc, le fils Walter Alvarez, géologue américain né en 1940 et qui est actuellement professeur senior, quand même âgé de 83 ans, au département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université de Californie à Berkeley. Et le site du département prend la peine de mentionner que le professeur Alvarez est encore actif en recherche, mais n'enseigne plus et ne recrute plus d'étudiants gradués, malheureusement. Donc, Walter Alvarez est spécialiste de la discipline de la stratigraphie, c'est-à-dire l'étude des couches de roches sédimentaires afin de retracer les grandes étapes de l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre, spécifiquement, par exemple, les grandes extinctions biologiques comme celle qui a mis fin au règne des dinosaures il y a une soixantaine de millions d'années et donc expertise qui sera au centre de son rôle de premier plan dans l'histoire rocambolesque qui nous intéresse aujourd'hui. Alors parlons-en de cette histoire rocambolesque. On commence par le début et quel est le rôle joué par les Alvarez dans cette histoire? Voilà, donc tout commence, on pourrait dire, avec une couche de roche argileuse très bizarre dans les Alpes italiennes, plus précisément dans le village de Gubbio, au nord de Rome. Et c'est au milieu des années 70, donc Walter Alvarez, donc le fils géologue, il est chercheur à Berkeley et il mène des travaux géologiques dans la région, justement, de Gubbio. Et à force d'observer les strates de calcaire rosé des environs, qu'on appelle localement la scalia rossa, je ne sais pas si mon italien est bon, mais ça veut dire écaille rouge. Pourquoi? Parce que c'est une roche cimentée par de l'oxyde de fer qui lui donne cette couleur rosée et qui se défait en petits flocons lorsqu'on la sculpte. Donc, Alvarez s'aperçoit que le sommet de la scalia rossa, cette formation stratigraphique, elle est surmontée par une fine strate rocheuse d'environ 1 cm d'épaisseur, complètement différente. de couleur noire à grains très fins, bref, une ancienne argile marine cimentée. On appelle ce genre de roche-là un shale, et ce shale contient à toute fin pratique aucun fossile. Donc, c'est intriguant. Et au-dessus de ce shale-là, la reprise des couches calcaires. Donc, Ouais. c'est assez bizarre. C'est comme si, dans le passé géologique, il y a un événement brusque qui était venu complètement interrompre la formation du calcaire dans les eaux marines plutôt tranquilles. De courte durée en plus, puisque c'est un Très centime. mince. Un centimètre, oui, un centimètre d'épaisseur. Et en plus, c'est pas tout. Il y a une analyse de ces roches-là va rapidement montrer que non seulement les fossiles qui se retrouvent en dessous de la couche de shale, donc dans la Scaliarosa, sont complètement différents de ceux qui se retrouvent au-dessus, mais aussi que, dans le fond, il y a de nombreuses espèces qui semblent avoir complètement disparu des archives paléontologiques, à la fois dans le shale noir et juste au-dessus du shale noir. Et c'est ce que les paléontologues ont appelé la grande extinction de la fin du Crétacé. Le Crétacé, c'est la période géologique qui s'est terminée il y a environ 66 millions d'années avant aujourd'hui. Et parmi les grandes extinctions biologiques enregistrées dans les roches sédimentaires, il y en a cinq grandes un peu partout sur la planète. Celle de la fin du Crétacé, c'est la plus connue parce qu'elle implique évidemment les dinosaures, sauf leurs descendants, les oiseaux qui ont survécu. Mais il faut savoir que cette extinction-là a aussi affecté plus du trois quarts des espèces vivantes à l'époque, dont une bonne partie du plancton marin et plusieurs mollusques comme les ammonites. Hein. Les ammonites, ce sont ces mollusques en forme de jolies spirales et très abondants dans les couches du Crétacé. Et c'était même pas là le plus intriguant encore. Ah ouais, donc cette couche argileuse, elle a réservé d'autres surprises. Donc qu'est-ce qu'elle renferme encore, cette fameuse couche argileuse? Encore des surprises, oui, et c'est là qu'entre en scène officiellement Alvarez Père, donc le père Louis, qui va rejoindre l'équipe ouais, de géologues dont fait partie son fils, Walter. Et avec des collègues physiciens, il va mettre au point une expérimentation en laboratoire afin de mesurer de très faibles concentrations de certains éléments chimiques contenus dans les échantillons de roches provenant de Gubbio en Italie. Donc, les analyses vont révéler que la fameuse couche de shale noir située juste au-dessus des calcaires du Crétacé, renferme une concentration anormalement élevée en iridium. Papam! Et Bon, ça fait en tout quoi cas. ça? Bon, le so what, c'est ça. Pourquoi l'iridium? L'iridium, c'est un métal qui est relativement précieux, avec un éclat argenté, une très grande densité, hein, plus de 20 fois plus dense qu'un même volume d'eau. Et surtout, il est très rare à la surface de la Terre, l'iridium. Sa concentration moyenne est donc généralement nettement en dessous de ce qui avait été mesuré dans la fameuse couche de shale. On avait mesuré 150 fois, une concentration 150 fois supérieure à ce qu'on aurait dû trouver normalement. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par contre, l'iridium, et c'est là la petite touche, il est relativement abondant dans les comètes et les astéroïdes qui parcourent l'univers et dont certains fragments nous sont parvenu à la surface de la Terre. Je vois effectivement que c'est intriguant ça. Aha! Aha! Et donc, ce ne sera pas très long avant que l'équipe des Alvarez père-fils et leurs collègues proposent vers 1980 une hypothèse qui avait l'air tout à fait incroyable, même farfelue pour la communauté des géologues de l'époque. L'hypothèse, ce serait que l'explosion d'un immense astéroïde d'environ 10 km de diamètre, c'est ça qui aurait causé l'extinction massive de la fin du Crétacé, en expulsant évidemment, entre autres, vers l'atmosphère tout son iridium, en se pulvérisant. Et cet iridium-là se serait ensuite dispersé autour de la Terre, puis déposé un peu partout sur les continents et dans les océans. Mais il y a comme deux problèmes avec cette idée-là radicale. Premièrement, cette hypothèse-là remettait de l'avant une espèce de vieux concept dont les géologues pensaient s'être débarrassés depuis près de 2 siècles. Ce concept-là, c'est le catastrophisme, hein, qui dit que les grandes étapes de l'évolution de la Terre, c'est le résultat de grandes catastrophes planétaires comme le déluge. Donc, le concept de base en géologie rendu dans les années 80, c'était plutôt l'actualisme, ou ce qu'on appelle l'uniformitarisme, stipule plutôt que l'évolution de notre planète, ça s'est fait sur le très, très long terme, très lentement, très graduellement, par des processus donc très lents. Qui sont toujours observables aujourd'hui, au quotidien, on pourrait dire, comme l'érosion par les cours d'eau, grain par grain. Ah ouais. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est quoi? Et le deuxième problème, il est quand même majeur, ben, si un bolide de 10 km qui avait percuté la Terre il y a une soixantaine de millions d'années, ça aurait forcément laissé des traces. Ouais. Autrement dit, un immense cratère d'au moins, on estimait, là, 200 km de diamètre qu'on aurait dû trouver quelque part près de la surface de la croûte terrestre. Où est-ce qu'il était situé ce cratère-là? On en avait nulle trace au début des années 80. Donc, à partir de là, il y a une espèce de chasse au cratère mondial qui va être lancé et qui allait durer finalement plus d'une décennie. Ah ouais, j'imagine là la quête au cratère, la recherche, où est-ce qu'on va pouvoir chercher ce cratère? Et puis j'imagine que depuis des millions d'années, on pouvait dire bah ce cratère, il a eu le temps d'être caché Exact. sous des couches de sédiments, ou alors il pouvait être tout simplement au fond des océans. Donc chercher le cratère, là, c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet, c'est pas facile et il y a un élément de l'enquête qui, en plus, va les mettre pendant plusieurs années sur une mauvaise piste, on pourrait dire, parce que les analyses chimiques de la couche de shale noir de Gubbio, qui avait révélé, en plus de cette concentration forte en iridium, la présence quand même en bonne quantité de calcium et de magnésium. On retient ça, cette information-là. Donc, calcium et magnésium, deux éléments assez abondants dans la croûte terrestre, spécifiquement dans la croûte océanique, alors que la croûte continentale, elle contient plutôt de l'aluminium et du potassium. Donc, magnésium et calcium, on se met donc à chercher, évidemment, dans les océans, à la recherche de cratères. C'était ça la conclusion logique, en croisant les doigts, évidemment, pour qu'il n'ait pas été entraîné puis digéré dans une fosse océanique profonde qu'on appelle une zone de subduction, hein, où les plaques tectoniques plongent dans les profondeurs du manteau terrestre pour être partiellement fondu en magma, puis un jour, un peu plus tard, réémerger dans la croûte terrestre. On se doute bien que si le cratère était localisé sur une plaque océanique en subduction, les traces de sa présence seraient évidemment effacées, à jamais. Et pendant de nombreuses années, on trouve effectivement absolument rien. Et c'est la présence de... Ouais, c'est... Mais il y a eu un moment donné, quand même, les découvertes se poursuivent et c'est la présence de dépôts sédimentaires formés par un immense tsunami, donc des genres de couches de sable et de gravier déposés sur d'anciennes plages, qui avaient été découverts à quelques endroits dans les Caraïbes, par exemple en Haïti, puis autour du golfe du Mexique, par exemple au Texas, et qui là va permettre de resserrer les recherches dans cette partie-là du monde. On n'a plus besoin de chercher n'importe où, partout sur la Terre. On se concentre dans cette région-là. Et donc, si l'astéroïde avait percuté un bassin océanique, on se doute bien qu'il aurait provoqué des vagues de tsunami quand même cataclysmiques. Un bolide de 10 km, là, ça fait quand Ben, même des grosses ça fait vagues. quand même, ça fait quand même des vagues. Mais pourquoi on trouve toujours rien dans le fond marin des Caraïbes et du golfe du Nouveau-Mexique? Pourtant, on avait cherché. Et la clé de cette énigme-là va venir de résultats décevants d'exploration pétrolière effectuée au Mexique près de 40 ans auparavant. Tan, tan, Voilà, Frédéric, tan. tu maintiens le mystère là. Qu'est-ce que l'exploration pétrolière vient faire dans cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour permettre de retrouver le cratère? Mais Diane, c'est haletant ce mystère-là. Donc, dans les années 50, la compagnie pétrolière mexicaine Pemex avait effectué des forages au nord de la péninsule du Yucatan, qui borde donc la frontière entre le Mexique et le Guatemala, et plus précisément dans les environs du village de Chicxulub, j'espère que je le prononce bien, donc au nord de Mérida, pour ceux qui connaissent, en pleine contrée Maya. Et des relevés gravimétriques, ça c'est ce qui nous renseigne sur les contrastes de pesanteur des couches profondes de la Terre, avaient détecté la présence d'une immense structure en forme de dôme, qui est souvent caractéristique d'ailleurs des champs gaziers et pétroliers. Mais après plusieurs tentatives pour forer à travers le dôme pour atteindre les couches soi-disant riches en hydrocarbures, on remontait des roches qui n'étaient pas du tout propices aux hydrocarbures, qui s'apparentaient plutôt à des laves ou à du verre volcanique. Donc, pas du tout de gaz ni de pétrole, un échec à ce niveau-là. Donc, à l'époque, dans les années 50, on avait cessé les opérations en se disant que finalement, le dôme était probablement enfoui, c'était probablement un ancien volcan enfoui. Et ce qui arrive, c'est que la découverte des dépôts de tsunami dont j'ai parlé tout à l'heure dans la région des Caraïbes et du golfe du Mexique va convaincre plusieurs géologues, dont l'équipe de Walter Alvarez, de refouiller, d'aller revoir les archives et les anciens échantillons de la compagnie Pemex pour le nord du Yucatan. Et ils découvrent que sous le dôme de Chicxulub, il se cache du gypse et de la dolomie, c'est-à-dire des roches sédimentaires plutôt rares qui contiennent, entre autres, trois petits points, roulement de tambour, du calcium et du magnésium. Donc, ce même calcium et ce même magnésium qu'il avait trouvé dans le shale noir à l'autre bout du monde en Italie, qu'on avait longtemps associé à des roches océaniques, voilà qu'on les retrouvait donc en milieu continental, mais relativement proche de la mer. Par une autrement dit, par une rare, très rare coïncidence, c'est comme si Dame Nature avait joué un tour aux géodétectives en les faisant chercher au fond des mers, alors que finalement, pendant tout ce temps-là, le coupable se trouvait tout près de la côte. Donc finalement, c'était là qu'on trouvait ce fameux cratère météoritique, là, le cratère de Chicxulub. Moi aussi, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, Chicxulub, et qui avait bien été formé à la fin du Crétacé. C'est pas mal ça. Donc, le centre du cratère à Chicxulub se trouve près de la côte au nord du Yucatan, de sorte qu'il y a une moitié qui se trouve actuellement dans la mer et l'autre moitié où, se trouve sur le continent où il marque l'emplacement d'une série de petits trous dans le roc qu'on appelle des cénotes et dont les Mayas se servaient pour leurs ressources en eau et parfois pour des sacrifices d'ailleurs. Alors, au début des années 90, là où on trouve, au moment où on trouve le cratère, on a une idée générale de son âge, et cet âge a été raffiné depuis ce temps-là avec les progrès technologiques, de sorte qu'en 2013, on a pu confirmer avec une assez grande certitude que le cratère a été formé il y a 66,04, plus ou moins 0,04 millions d'années avant aujourd'hui, ce qui en fait effectivement le principal coupable de l'extinction massive de la fin du Crétacé. Oui, puis c'est ce qu'on prend un peu pour acquis hein, aujourd'hui, cette chute d'astéroïdes qui aurait provoqué la chute, la disparition des dinosaures. Et est-ce que cette hypothèse est maintenant acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique? Parce que c'est bien beau de faire des films avec ça, etc. Mais dans la communauté scientifique, est-ce que c'est l'hypothèse acceptée? C'est l'hypothèse, on pourrait dire, majoritaire. Il reste encore quand même, je le dis, là, quelques géologues qui avancent plutôt que l'extinction des dinosaures et des autres espèces au Crétacé, fin du Crétacé, résulterait plutôt d'épisodes de volcanisme particulièrement intenses qui ont affecté la région du Deccan ou du Deccan en Inde et qui ont accumulé des couches de lave sur plus de 2000 mètres d'épaisseur dans une zone de plus de 500 000 kilomètres carrés, on parle donc là d'un volume de plus de 1 million de kilomètres cubes de lave, donc c'est Énorme. énorme, c'est énorme. Et sans doute que ça a contribué à l'époque à envoyer dans l'atmosphère des quantités de poussière, de gaz et comme le dioxyde de carbone, modifiant considérablement le climat, évidemment. Et les éruptions volcaniques du Deccan, elles ont été datées à 66,25 millions d'années, ce qui les place juste avant, voire pendant l'extinction de la fin du Crétacé. Donc, est-ce que ce volcanisme-là aurait pu affaiblir, par exemple, les écosystèmes, puis finalement, l'astéroïde serait venu simplement les achever, on pourrait dire, quelques dizaines ou centaines de milliers d'années plus tard, c'est la question. Ah, c'est ça, c'est peut-être un effet combiné des deux finalement. Ça se pourrait. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut, entre guillemets, remercier les dinosaures de s'être éclipsés à ce moment-là et bah, de nous avoir laissé la place. Oui, en effet, parce que on peut penser très sérieusement que sinon on ne serait pas là pour en parler, en fait, parce que les dinosaures dominaient la majeure partie des niches écologiques pendant tout le Crétacé. Alors, ça prenait vraiment un cataclysme pour les déloger de là. Et c'est un cataclysme qui serait venu sous la forme d'un bolide qui filait une vitesse qu'on a estimée à environ 30 km par seconde. Et ça, 30 km par seconde, c'est 108 000 km/h, pour vous donner une idée. Et pour terminer sur une note encore plus passionnante, moi je la trouve presque troublante, comme déjà mentionné, une des roches qui constitue le cratère de Chicxulub, c'est du gypse, hein, qui est un sulfate de calcium, sa formule chimique, CaSO4. Et le gypse contient donc du soufre, donc c'est le fameux S dans la formule chimique. Donc, l'impact de la fin du Crétacé a contribué à éjecter une énorme quantité de soufre dans l'atmosphère, du soufre qui provenait de la roche encaissante du gypse, évidemment. Et ce soufre s'est fort probablement combiné à la vapeur d'eau dans l'air pour former de l'acide sulfurique, ce qui a certainement contribué à la catastrophe, évidemment, des pluies acides incroyables. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui aurait pu se passer si l'astéroïde avait percuté la Terre, par exemple, juste quelques kilomètres plus loin, directement dans l'eau, ou n'importe où ailleurs dans le monde. Donc, les chances sont très bonnes que, si ça avait été le cas, la roche encaissante, dont une partie se serait pulvérisée à l'impact, ait été autre chose que du gypse, finalement, comme du granit ou du basalte, les deux types de roches les plus abondantes sur Terre. Donc, pas de gypse, pas de soufre, et pas de soufre, pas d'acide sulfurique. Donc, peut-être des conséquences assez sévères, mais beaucoup moins sévères pour les écosystèmes. Et dans ces circonstances-là, peut-être que les dinosaures ont eu une chance de survivre Ah. pendant encore des millions d'années. Ah, effectivement, là, il y a un bout qui reste encore en suspens. On peut faire de la fiction. Oui. Imaginez ce qui Est-ce se qu'il resterait, par exemple, des espèces de dinosaures dotées d'une forme d'intelligence, de conscience, avec un rapport taille du cerveau sur le reste du corps qui est comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui avec les mammifères qu'on est? La question se pose, quand même intéressant. Donc, il fallait non seulement qu'il y ait une grosse météorite qui tombe pour faire disparaître les dinosaures, mais qu'elle tombe au bon endroit pour Au qu'ils bon puissent. endroit, en effet, pour être sûr de bien pulvériser les écosystèmes et de tuer les dinosaures et les autres espèces, pour Voilà. faire la place aux petits mammifères. Aux petits mammifères qui ont ensuite donné des grands mammifères. Et voilà. Ben voilà toute une histoire alors rocambolesque effectivement sur la découverte de l'astéroïde qui a mis fin à l'ère des dinosaures et autres créatures qui vivaient à ce moment-là et qui montre aussi un peu comment évolue la science. Hein. Finalement, c'est assez récent, là, ça date des années 80, mais il y a toute une épopée là, de reprises qui passe par l'exploration pétrolière, les géologues, les physiciens, et finalement, ça montre comment évolue comment on acquiert les connaissances scientifiques dans tous les domaines. Hein. Cette histoire-là est bon, plus extraordinaire, mais. Et c'est comme ça qu'avance la science, en fait. Oui, avec des équipes interdisciplinaires, des gens de plusieurs labos, de la collaboration entre les universités, parfois des compagnies. Donc, je trouvais cet exemple-là particulièrement intéressant. Exactement. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour nous avoir fait revivre cette épopée de la découverte du cratère de Chicxulub. Chicxulub. Et je Un rappelle que plaisir. Frédéric est professeur au département de géomatique appliquée à l'université de Sherbrooke, et vous pouvez retrouver ses anciennes chroniques dans son livre Ici la Terre aux éditions Multimonde, dans un recueil d'histoires tout aussi passionnantes sur différentes découvertes géologiques à travers le monde. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve la semaine prochaine. Il sera question des droits culturels des peuples autochtones et de la disparition des sons de la nature noyés par les bruits humains. Et maintenant, je vous laisse poursuivre votre soirée sur CKRL 89.1 en écoutant En aparté avec Calypso le Moine. Petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Ce matin est si clair, ce silence si doux. Des paroles d'hommes flottent dans l'air, tout le monde a rendez-vous. La nuit est passée tout entière, creusée sur nos joues. Tu déchires tout d'un trait de lumière et c'est la vie tout à coup. La vie tout à coup, pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Ça se voit que tu viens de chez les anges, t'es belle comme tout. Ça se voit que nos manières te dérangent et ces lumières partout. Tous ces fantômes qui te touchent, ces mains qui te secouent. Cette bouffée d'air froid dans ta bouche, c'est la vie tout à coup. La vie tout à coup, pleure pas, petite sirène, la vie le tord encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Voilà que tu viens comme une reine juste à la pointe du jour, avec dans son écho de porcelaine ton appel au secours. Comme un signal pour que s'égrène ce temps qui s'enfuit à son tour. D'abord les heures, les jours, les semaines, et puis les années d'amour. Les années d'amour, pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Pleure pas, petite sirène. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines.